La France Plus, l'actualité et les archives du punk hardcore Do It Yourself International. Amour, punk, anarchie et amateurisme professionnel sur Radio Duo 89.5, la fréquence libre, sauvage et impertinente. Non pas l'actualité du punk hardcore, mais l'actualité politique, sociale et culturelle. C'est le rendez-vous info du 89.5 de Duo, des mots des sons sensibles. Il est exactement midi sur Duo. Soudain. C'est de la merde! Et voilà! Vous avez rien ou pas foutu, on regarde la télé! Allez! Sortez de là, on en a rien à branler! Vive l'anarchie! Toutes les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour lui pâté de maison? Comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 89.5 de Duo. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 30 novembre 2023, des mots, des sons sensibles, l'actualité politique, sociale et culturelle. Et autant vous le dire d'emblée, en ce jour, deux rendez-vous vous seront proposés en direct sur ce 12-13h, ainsi que ce soir de 19 à 20h. Des sons sensibles davantage pour ce jeudi soir où nous aurons le grand plaisir d'accueillir le collectif qui organise cette soirée. Soirée, concert et de soutien ce vendredi 1er décembre. Le collectif, en effet, il y a plus de saison, qui organise ce concert avec Damaréa, Aval, Ultimate Touriste, Carniche Perfide à la Gueule Noire à Saint-Étienne. Ce vendredi 1er décembre, une soirée de soutien à l'association Un Toit Pas Sans Toit, et en soutien notamment à une famille expulsée. Vous en saurez davantage en écoutant ces sons sensibles de ce jeudi 30 novembre à partir de 19h, en recevant ce collectif Boom du Printemps ou d'Automne numéro 2. C'est leur deuxième soirée concert de ce collectif local et stéphanois, donc l'occasion de présenter aussi cette nouvelle ou ces nouvelles initiatives. Et puis nous recevrons surtout le projet local Ultimate Touriste en interview, ainsi que les Barcelonais de Damaréa qui se produiront demain soir et qui seront également avec nous ce soir en rencontre interview. Voilà pour le menu du soir. En ce qui concerne le plat du jour dans ce 12-13h aujourd'hui, nous allons parler politique sociale, également culturelle, dominante écologie, on va dire, pour ce rendez-vous aujourd'hui en deux temps. Culture également, vous l'entendrez, tout cela va se intercroiser finalement dans ce programme. Autant vous annoncer donc le menu. Vous aurez l'occasion de retrouver une interview de Tikken Jafakoli en deuxième partie de ce programme pour évoquer à la fois son actualité, ses combats écologiques en Afrique. Et puis surtout, une rencontre interview réalisée cet été durant le festival Forestival 2023 qui vient d'annoncer ses dates 2024, 2, 3 et 4 août prochains. L'occasion de les retrouver, ou de le retrouver, Tikken Jah, mais les retrouver également aux côtés des Stéphanois de Bink également, qui aussi viennent d'être annoncés. C'est le tout premier groupe annoncé en affiche de ce Forestival 2024. Voilà donc l'occasion d'aborder cela en deuxième partie de programme. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Et puis première partie, vous l'entendrez finalement assez étroitement associé. De combat écologique, il va être question, alors que s'ouvre aujourd'hui la COP28 du côté de Dubaï. Là aussi, on en reparlera et nous l'avons évoqué pas plus tard que ce week-end, alors que nous étions précisément sur le rendez-vous de la transition écologique Tatou Juste qui se déroulait au Parc Expo Hall B. Nous étions en direct pour deux journées radio, samedi et dimanche, et l'occasion eh bien, d'y rencontrer bon nombre d'acteurs, actrices, auteurs, autrices, et notamment eh bien, Camille Etienne qui vient de sortir son premier ouvrage aux éditions du Seuil pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective. Je vous proposerai de la retrouver en première partie de ce programme. Voilà pour le menu contenu de ces mots et sons sensibles de ce 12-13 heures qui va s'ouvrir comme à notre habitude avec notre découverte partenariat Ferrarock cette semaine, notre fédération nationale des radios associatives rock de France, et une entrée en matière finalement tout à fait bienvenue parce qu'on va être un petit peu dans la thématique, on va dire fil rouge de ce rendez-vous aujourd'hui, puisque cet artiste-là a un peu pris le large à un moment donné. En effet, à bord d'un voilier, plongé en mer, qu'il a complètement fasciné par les modifications de ses perceptions sensorielles sous l'eau. Ces résonances, combinées au claquement des vagues sur le bateau, a poussé l'artiste à développer une nouvelle approche de la musique électronique. Il s'agit de Johan Guillon, qui est le fondateur, cofondateur, on va dire, les multi-instrumentistes du mythique groupe Ezekiel, qui s'est formé en 1993, et qui revient là avec une sorte de side project très électro-ambiante, vous allez l'entendre. Un projet de musique électro très hypnotique, organique, inspiré par, je le disais, ses nouvelles expériences. Lui qui a déjà réalisé au travers de Zero Graffiti, Gravity, ce projet, non pas Graffiti, Gravity. Nombreux projets remix pour des artistes comme Olivier Mélano, Laetitia Sheriff, Anachronic Orchestra ou encore Magnetic Ensemble, pour exemple. Il a aussi composé des bandes originales pour des projets visuels, notamment de Yann Nguema, qui d'ailleurs a assuré la pochette de cet album Zero Gravity qui vient tout juste de sortir le 10 novembre dernier. Yann Nguema qui fait partie du collectif Animalux. Et bien voilà, je vous propose de découvrir donc cet album intitulé ou titré Une très légère oscillation. C'est une référence justement au livre de Sylvain Tesson, avec ce message que j'ai déjà rappelé en début de semaine, mais que je redis un peu comme un mot d'ordre, et comme ça, qui devrait être aussi quasi une ligne de vie ou de conduite. Jouir de la vie, de chaque instant, s'extasier devant le vivant et se consacrer au présent plutôt que d'angoisser l'avenir. J'ai décidé de de vous proposer, diffuser le titre, précisément Une très légère oscillation, 7ème plage, qui donne le nom de ce nouvel album sorti le 10 novembre via Slabnote et surtout Jarring FX, le label lyonnais voisin. C'est le partenariat à la découverte Ferrarock cette semaine, c'est-à-dire en annonce, diffusion, présentation sur les antennes Ferra tout au long de cette semaine et en jeu concours, c'est-à-dire que l'album est à gagner. Ça se passe tout de suite maintenant au bout du fil de Dio, 04 77 25 05 94. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Zero Gravity, à l'instant découverte Ferrarock cette semaine. Vous en saurez davantage en vous rendant bien sûr sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant l'interview réalisée dans le cadre du programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers qu'on vous propose chaque fin de semaine, chaque vendredi. Ce sera donc demain 1er décembre, interview réalisée par Ludo de Radio Béton. Vous retrouverez l'autre découverte Ferrarock cette semaine, Milk TV, réalisée par Radio Alpa. Et puis vous retrouverez encore un module interview auprès de Mathieu Gervais, le co-programmateur des Transmusicales de Rennes. Et oui, parce qu'il va s'agir de présenter l'édition 2023 du festival qui approche à grands pas, puisque ce ne sera pas plus tard que semaine prochaine. Dig Dig Diggers, c'est ce vendredi 12h, rediffusion 19h et le lundi en matinale dès 8h. Mouvement social tout au long de cette semaine, on en a parlé précisément dans ce même rendez-vous mardi avec la CGT, notamment des territoriaux de Saint-Etienne, qui avait formellement alerté la mairie sur la situation intenable dans les écoles due à des taux d'encadrement dramatiquement insuffisants. Et à ce jour, et malgré l'urgence, constat, c'est qu'aucune mesure concrète n'a été prise selon le syndicat qui appelle et a appelé tous les agents des écoles à se saisir du préavis de grève couvrant la manifestation. C'était déjà devant le conseil municipal ce lundi dernier après-midi à 17h, mais ainsi que tous les autres jours de cette semaine jusqu'à demain, ce vendredi 1er décembre inclus. Ce qui a forcément et fortement d'ailleurs perturbé aussi certains services, dont les temps de cantine bien sûr tout au long de cette semaine. Et puis, autre manifestation prévue cette fin de semaine, et c'est cette fois ce 2 décembre, c'est le comité des travailleurs privés d'emploi et précaires de Saint-Etienne qui organise samedi une manifestation contre la loi Plein Emploi, qu'on appelle aussi France Travail. Pour rappel, cette loi va instaurer un conditionnement du RSA à au moins 15 heures d'activité hebdomadaire et qui va affecter bon nombre de personnes, hein, des bénéficiaires du RSA certes, des demandeurs d'emploi, mais aussi les employés dont les salaires vont être pressurisés à la baisse par l'établissement de cette activité obligatoire. Une loi Plein Emploi qui a été votée dans l'indifférence générale, comme bien d'autres lois, vous allez me dire. Cependant, voilà, le combat pour son abrogation se poursuit et cette date de ce 2 décembre servira à alerter le public des dangers de cette loi. À noter que le 2 décembre est traditionnellement un jour de manifestation des chômeurs et chômeuses. Et oui, ce n'est pas que la Sainte Barbe. Le comité des travailleurs privés d'emploi et précaires, donc un des plus importants de France, à noter avec ceux de Marseille et Paris, donc compte bien profiter de cette date pour défendre les droits des précaires et privés d'emploi. Manifestation ce 2 décembre, départ de la gare de Château-Creux à partir de 11h. Autre rendez-vous autour d'une commémoration, celle du 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Celle a donné lieu à bon nombre de rendez-vous événements, alors que l'on a suivi très largement ici dans la région, sur Saint-Etienne et Loire-Sud notamment, un colloque dont on vous a déjà parlé, des rendez-vous débats, projections, bref, de rendez-vous multiples en effet autour de ce 40e anniversaire, des interventions en milieu scolaire très nombreuses, notamment du côté de Saint-Etienne, de Saint-Chamond, autour de ces thématiques, de l'engagement, des luttes, de ces grandes dates, de la mémoire, de la transmission aussi qui s'impose finalement autour de ces questions. C'est aussi une opération nationale d'ailleurs, mais on revient sur un événement local qui, je trouve, a assez peu eu de visibilité, chose surprenante peut-être. En tout cas, C'est un événement qui va se dérouler aujourd'hui, ce jeudi 30 novembre, du côté de la salle Le Fil à Saint-Étienne. C'est vrai qu'on parle beaucoup des concerts sur cette salle de spectacle, et on le refera encore d'ailleurs durant ce programme, mais étrangement, celle-ci n'a pas intégré la programmation ou l'agenda, ou en tout cas, je suis peut-être passé au travers, mais je du coup profite de l'occasion et du micro pour rappeler ce rendez-vous. C'est en lien avec la Ligue de l'Enseignement, avec Le Grain, l'association basée sur Saint-Chamond, qui va être marquée ce soir donc par ce 40e anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme, avec Jamel Otouille, auteur-compositeur d'une chanson sur la marche. Il a travaillé avec des groupes, des musiciens de renom dans toute l'Europe. Il y aura aussi le projet Velvet in the Blade avec Alaoua Idir, oudiste, guitariste de l'aventure Désorientale, rappelez-vous, cette belle formation jazz, musique du monde à Saint-Étienne. Wahid Chaïb, la voix de Zenzila, qui se croise et se côtoie d'ailleurs depuis maintenant plusieurs années sur les scènes françaises et internationales. Et donc Velvet in the Blade est un peu comme ça une évidence et une belle initiative. Ils animeront un ciné-concert autour du documentaire musicalisé Shahaba, d'après le fameux livre de Azouz Begag. Et puis alors, pour partager l'affiche, au-delà de Jamel Otto et Velvet in the Blade, il y aura aussi Iznayen. Iznayen, un groupe stéphanois formé fin des années 70-77, un des premiers en France à revendiquer son identité hybride et ses références multiples. On pense souvent à Carte de Séjour, mais voilà, et oui, avec la connexion aussi Saint-Étienne, bah voilà, voilà pour Iznayen, qui a sillonné toutes les villes, les quartiers de la région, des petites scènes, des centres sociaux, grandes salles comme le Palais des Spectacles. Et puis, bah, ils se sont arrêtés, des décennies d'absence, et finalement, Iznayen reprend son bateau de pèlerin avec quelques nouvelles figures et un répertoire alliant héritage et influence contemporaine, chansons et de lutte, et chansons plus festives d'ailleurs. Iznayen avec Alaoua Baka d'ailleurs, qu'on a reçu il y a peu sur cette antenne, qui nous a aussi parlé de cette histoire et aventure. Voilà, 40e anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme, ça se passe salle Le Fil ce soir, accueil à partir de 19h, spectacle à 20h avec prise de parole du Grain et présentation de l'exposition sur les 40 ans de la marche. La participation y est libre, je le note et le précise. Bien entendu, et puis une autre rencontre, celle-ci sera nationale. C'est un rendez-vous proposé par Trace, le réseau Actualité et Mémoire d'Immigration en Auvergne-Rhône-Alpes, précisément autour de la marche pour l'égalité, héritage et transmission. Ça se passera ces 5 et 6 décembre, c'est cette fois un rendez-vous du côté de Lyon. Alors je le précise, à la Maison des Passages, qui a connu quelques sacrées mésaventures il y a peu, avec une intervention musclée et agression de l'extrême droite notamment. Maison des Passages et Musée d'Histoire de Lyon, Gadagne, rencontre nationale proposée donc par l'inter-réseau Mémoire Histoire et le réseau régional Trace, comme je le disais, qui va revenir sur cette marche pour l'égalité des droits et contre le racisme de 1983, donc il y a 40 ans. Donc l'occasion, au travers de différentes tables rondes, de rencontres, bref, tout un programme complet que vous pouvez retrouver sur le site de Trace. En Auvergne-Rhône-Alpes, vous tapez tout cela sur un bon moteur de recherche et vous trouverez sans difficulté les informations. Allez, premier sujet dans ce programme aujourd'hui, avec l'ouverture ce 30 novembre, ce jeudi, de la COP28. La COP28, hein. De quoi s'agit-il, si cela vous dit rien? C'est une conférence sur les changements climatiques, donc conférence de Dubaï 2023, ou COP28, une conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Elle sera donc cette 28e conférence des parties et réunira les représentants des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Avec un contexte de polémique pour l'ouverture de cette COP28 entre conflits d'intérêts, greenwashing, le choix des Émirats Arabes Unis, qui ne passe pas véritablement auprès des écologistes, d'ailleurs, qui va essayer d'être boudé, notamment par certaines, on en reparlera. En tout cas, un sommet toujours très attendu hein, pour que les engagements soient tenus. Et puis le lobby pétrolier à l'œuvre, des présidents absents. Donc bref, on va revenir sur cette rencontre en plein désert. avec une autre rencontre qui s'est faite à l'inverse, avec bon nombre de personnes présentes dans l'assistance pour assister à cet entretien auprès de Camille Etienne, que nous avons rencontré, interviewé lors du rendez-vous de la transition écologique. Précisément, c'était non pas à Dubaï là, mais à Saint-Etienne, au Parc Expo Hall B, tout ce week-end. T'as tout juste le 18e du nom. Non pas le 28e, mais voilà, l'occasion d'y rencontrer Camille Etienne, qui donnait une conférence à propos de son ouvrage « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». Notre impuissance, qui est une construction qui ne nous appartient pas. Camille Etienne identifie au travers de cet ouvrage les mythes qui nous entravent, éco-anxiété, fracture générationnelle, fausse peur, pour sortir de notre inertie. Et donc elle livre cet essai écologique, sensible et implacable, qui redonne à chacun sa puissance d'agir et appelle à un soulèvement écologique intergénérationnel, sensible et radical, porté par la désobéissance. Camille Etienne, qui est un petit peu notre Greta Thunberg finalement, française, militante écologiste, la plus suivie sur les réseaux sociaux depuis une vidéo militante et artistique dont nous allons parler d'ici un instant, sorte de symbole de la génération climat, mais elle entend bien aller bien au-delà. On la retrouve d'ici un instant sur Duo. Nous sommes en direct du rendez-vous de la transition écologique, T'as tout juste, qui se prolonge encore tout au long de cette fin de journée et jusqu'à demain, deux journées de ce rendez-vous ici sur le Parc Expo Hall B, où nous sommes situés pour nos radios associatives locales et de proximité, en direct également jusqu'à ce soir 19h pour ces deux jours de marathon radiophonique. Et on poursuit nos rendez-vous avec une nouvelle invitée au plateau ici en ce début d'après-midi. On retrouve Camille Etienne, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur nos stations et ici sur cet espace radio et sur ce rendez-vous de la transition écologique. Vous allez assurer une conférence d'ici quelques minutes, ce sera tout à l'heure à 14h. Oui, c'est même sûr, je crois. Il faut te préparer à ce rendez-vous. C'est à 14h à l'espace conférence. On te retrouve ici en vue d'annoncer aussi ce rendez-vous pour discuter autour de cet ouvrage, Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. C'est ton premier livre. Absolument. Après quelques autres expériences artistiques, notamment, alors moi je t'ai découvert ainsi, avec cette vidéo qui a largement circulé et qui était très popularisée il y a 3 ans de cela. Ouais. On était dans un autre monde, une autre période. Celle de la pandémie, c'était Réveillons-nous avec le collectif Avant l'orage, une vidéo qui a eu un succès international, on peut le dire, 15 millions de vues, toutes plateformes confondues, traduites dans toutes les langues ou presque, espagnol, anglais, allemand, portugais, 4 autres vidéos depuis, puis ce premier livre. Alors juste, ce que je me souviens de cette vidéo qui en 10 minutes, comme ça, avait l'intention de poser les constats et de proposer les solutions en dansant. Je me dis, 3 ans plus tard, parce qu'il y avait cette idée aussi d'un sursaut finalement, le monde s'arrêtait. Alors tout à l'heure on évoquait l'an 01 de GB Doyon, ça me renvoie aussi un peu à cette question qui était, on arrête, la course est freinée non-stop. On se pose, on réfléchit et on envisage la suite avec l'intention aussi d'entamer et d'engager un virage. Je dirais 3 ans après. Quelle appréciation tu as de la chose ? Non, moi je pense qu'on est beaucoup à s'être rendu à avoir eu la naïveté, mais qui était jolie, je trouve, et qui a créé beaucoup, de se dire que ce moment du fameux monde d'après, qu'il allait advenir de lui-même, et que quelque part, c'était l'étape logique, que c'était impossible qu'on oublie. Sauf que malheureusement, on se rend compte que on s'habitue à l'horreur. L'humain s'habitue à tout. On a des. On s'habitue aux guerres, on s'habitue aux atrocités, et particulièrement dans un monde de surinformation, de surdivertissement, on oublie très vite et on a une capacité à s'accommoder avec ce qui est pour autant impensable. Donc on a vu qu'une fois qu'on est revenu du Covid, la priorité a été donnée aussi par nos décideurs à remettre l'économie en ordre de bataille, à rattraper toutes les émissions de CO2 qu'on n'avait pas pu émettre pendant ce temps. Et donc, voilà, on est tous tombés un peu en gueule de bois de ce fameux monde d'après qui n'était pas là. Et ce que j'ai trouvé, par contre, intéressant, c'est de réaliser que c'est de faire le deuil de ce grand soir en disant il ne va pas se passer ce grand moment, ce grand sursaut. En fait, il est déjà là partout, là où on pose notre regard avec un peu plus de justesse. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà plein d'autres manières de faire l'agriculture, plein d'autres gens qui s'organisaient autrement, qui vivaient différemment leur territoire, etc. Donc, pour moi, je dirais 3 ans après, c'est plutôt l'idée de se dire oui, ça existe, ça s'est passé, mais c'est déjà passé partout et ça se passe sous nos yeux là maintenant. Il suffit d'aller chercher ces endroits-là et d'aller se battre pour eux, pour qu'ils adviennent aussi à une échelle un peu plus structurelle. Au-delà du constat général, j'ai envie de poser la question presque plus personnelle, mais sans indiscrétion, enfin je vais tenter, parce qu'à cette époque-là, tu réalises un master d'économie et Sciences Po à Paris, et tu décides justement de faire une pause, d'arrêter une année de césure pour t'atteler à ce travail d'information, de sensibilisation, de militantisme même. Je dirais aujourd'hui, 3 ans après justement, quel est un petit peu ton projet aussi, peut-être plus personnel, voire professionnel? Bah de retourner faire des études, c'est fou, mais ça me manque. Non, j'ai fait une année de pause, après j'ai repris mon master, je l'ai fini. C'était intense, on va dire. Parce que c'était pas ce que j'aimais. J'ai toujours été fascinée des études et très curieuse de tout ça, des sciences sociales. Et en fait, je trouve que justement, on n'a pas une approche assez proche des sciences sociales du problème. On voit ça comme un tableau Excel où il s'agirait de décarboner nos vies, et donc il faudrait juste tout faire pareil, mais en décarboné, en neutre, alors qu'on pose jamais la question de la finalité. Et c'est ça, les sciences sociales, la sociologie, l'histoire, la philo, que j'adore, c'est l'idée de dire bah, très bien, on a de l'énergie propre, mais pourquoi? Pourquoi elle va servir à quoi, cette énergie? Et c'est Aurélien Barraud qui dit bah, si on a un bulldozer qui va arracher tous nos vergers mais qui fonctionne à énergie verte, est-ce que c'est vraiment mieux? Si on a une arme mais qui est faite de manière recyclable, est-ce que vraiment ça, c'est quelque chose de souhaitable? Et donc je crois qu'on manque vraiment de sciences sociales qui arrivent à avoir ce regard sur la question écologique. Et donc j'ai encore envie d'apprendre plein de choses, d'aller regarder dans les philosophes, d'aller regarder dans l'histoire, tout ça. Et j'aimerais bien repartir l'année prochaine. Mais je fais comme, vous savez, quand il faut dire quelque chose pour que, après, comme ça, si on oublie et qu'on essaie de. Les gens nous disent alors, où est-ce que tu en es de ce master que tu veux faire à Oxford? Donc je m'auto-piège là. Donc je suis en train de candidater à tout moment, je vais juste jamais être prise, ce serait ridicule. Mais j'aimerais bien reprendre un an un peu loin de tout ça aussi pour avoir le temps long de la réflexion, en fait, qu'on n'a pas quand on est dans l'urgence de l'action. Le temps de la réflexion, le temps de la maturation ou de la maturité aussi, quelque part. On évoquait ce matin en table ronde les low-tech, la façon de s'outiller aussi pour s'armer, finalement, pour faire tourner le monde autrement. Tu évoques les sciences humaines et sociales, c'est aussi un outil intellectuel important. Totalement. Pour aussi la compréhension du monde, mais pouvoir aussi interférer, agir également sur le monde. Bien sûr, en fait, de regarder aussi comment ça s'organise. C'est pour ça que j'ai étudié l'économie, alors que c'était pas du tout ce qui m'intéressait à l'origine. C'était de se dire comment est-ce qu'ils fonctionnent, ceux qui prennent la décision sans nous et pour nous. Donc si on n'est pas capable de comprendre leur langage, si ce n'est de le parler, de le comprendre, je crois que c'est important aussi parfois d'avoir accès à ça et de se dire ok, je vais là, c'est parce que on travaille sur les fonds marins par exemple, on s'est tapé toute la lecture de la Convention de la mer où je comprenais rien, mais en fait quand on fait l'effort d'aller dans le texte et de voir et de se confronter vraiment à concrètement ce qui se passe, quels sont les plafonds de verre, où sont les verrous, c'est plus facile de les faire sauter avec pertinence par ailleurs. L'outil intellectuel ou l'outil artistique, comment tu le mesures toi aujourd'hui, parce que ça passe par différents canaux, tu as réalisé une vidéo, tu réalises des conférences, tu publies un ouvrage aujourd'hui, comment tu apprécies l'impact aussi de cette démarche-là, parce que tu es dans une position quelque part de rapport de force et de contre-pouvoir, tu as fait le choix aussi de la médiatisation pour informer, sensibiliser. Comment tu l'apprécies 3 ans après cet exercice-là qui est loin d'être des plus évidents? Je pense que je me pose jamais cette question de l'impact, parce que justement pour moi, je vois pas ça comme, encore une fois, comme on pourrait avoir dans une entreprise où on a notre bilan comptable à la fin et il faut que ça marche et on dit bah, telle action a eu telle conséquence. Parce qu'on est dans un monde justement social, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais quelque chose qui a l'air individuel, bah, c'est que je fais un choix ou que je fais un non-choix, ça impacte le monde. De manière infinitésimale, ça va amener le monde dans une autre direction. Par exemple, quand je décide de boycotter, on peut se dire que c'est un geste éminemment individuel, voilà, et en plus c'est un non-geste, c'est juste un non-achat. En fait, de manière coordonnée, ce que ça peut créer collectivement, c'est dingue. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est de brouiller un peu ces pistes-là, et donc quand on est de cette perspective-là, on se rend compte que c'est pas qu'est-ce qui a marché. On fait pas les choses forcément toujours parce qu'elles marchent ou parce qu'elles vont marcher, mais parce qu'elles sont justes. Donc quand on se positionne du côté de ce qui nous semble juste, du côté de ce qui est droit, du côté de ce qui est moral, du côté d'être digne, en fait, juste de la dignité, c'est vraiment le mot, c'est de donner un peu plus de dignité à notre espèce. Donc quelque part, je me dis jamais, tiens, est-ce que ce que je fais a de l'impact ? Alors oui, il y a des gens qui viennent nous dire, bah, grâce à tel livre, telle phrase, tel machin, j'ai changé de job, maintenant je suis devenue agriculteur. Et en fait, là, ça fait du bien à l'ego, mais tu sais que c'est pas vrai, parce que c'est juste que t'as été le dernier moment de tout un chapiteau, et que tu as été le dernier pion qui a créé la bascule. Mais par ailleurs, à l'inverse, ceux qui sont très réfractaires à un moment donné, et tu te dis, là, ça n'a servi à rien, et ben peut-être que, là, par exemple, très concrètement, on se bat sur une autoroute entre Toulouse et Castres, bah, peut-être que cette autoroute, voilà, va avoir lieu, mais n'empêche que, donc on pourrait dire que ça n'a pas marché, mais peut-être que c'est parce qu'on est au début du chapiteau que les prochaines autoroutes, avant d'y aller, ils vont quand même réfléchir à deux fois quand ils voient le bazar que c'est, quand ils voient le nombre d'argent que ça coûte, de retard de travaux, de machin, de gestion de gens qui bouffent plus en France pendant un mois. Enfin, bon, ils vont un peu se dire, ok. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas du tout se positionner de ce côté de, bah justement, un peu mathématique, très des sciences dures, seulement de, voilà, c'est un impact, est-ce que ça marche là tout de suite maintenant ? Bien sûr que c'est important, mais les choses importantes prennent parfois du temps, et donc peut-être qu'on est juste en train de positionner les jalons de ce qui se passe après. Oui, mais il y a quand même cette intention et cet objectif-là. On veut infléchir aussi sur les décisions. Bien sûr. Il y a aussi cette, déjà de répandre, sans coloniser les esprits, mais en tout cas faire en sorte que bien ça se sache, que l'on connaisse, que l'on comprenne. Et donc tu interviens tout de même à ce niveau-là. La médiatisation, elle est là aussi quelque part. Pour tenter d'être d'alerter, présent, ouais. et d'alerter, mais d'agir, ce que tu fais déjà, hein, désobéissance civile était ton intervention là en octobre sur la 69 pour exemple, mais sur d'autres actions encore passées, tu as porté plainte également par exemple, même au niveau politique auprès de l'instance, l'autorité politique même représentée ou représentante, ce qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Pas du tout, mais on continue, on essaye, c'est pas grave, l'idée c'est, il y a le droit, c'est un peu, voilà, on sait jamais vraiment comment ça va finir, et puis parfois ça nous échappe, il y a des super belles décisions qui sont prises, et on le voit en fait là, que ce soit la non-dissolution des soulèvements de la terre, ça a été prononcé par le Conseil d'État, que ce soit, il y a 15 mégabassines qui ont été invalidées, il y a des luttes locales où en fait depuis des années des habitants se battent, et en fait bah, c'est à un moment donné la justice dit, là il y avait en Alsace il y avait les stockamines qui étaient des stocks de des tonnes et des tonnes de substances chimiques qui étaient stockées, qui devaient être enfouies juste à côté d'une nappe phréatique, avec un risque très élevé de toxicité, bien sûr. Bah, c'est la justice qui a dit, c'est le tribunal qui a dit, oulala, attendez, pause là, c'est quoi, qu'est-ce que fait l'État là, n'importe quoi, on arrête. Il n'avait évidemment pas dit comme ça, mais. Donc, ce que je trouve aussi, c'est que parfois le droit, bon, bah, nous, on sait, il y a plein de fois où on n'a juste même pas été reçu, c'est jugé irrecevable comme plainte, mais même le processus de porter plainte est utile. Si on a porté plainte pour un traité. Qui protégeait les énergies fossiles, et on n'a même pas au tribunal des droits de l'homme, européen des droits de l'homme, et en fait on n'a même pas encore le jugement, mais juste le fait que 6 jeunes victimes du dérèglement climatique portent plainte contre ce traité, ça fait qu'on a beaucoup entendu parler de ce traité qui est un scandale, et que du coup bah, c'était plus tenable pour eux politiquement de le soutenir, et donc la France a été solidarisée, on a une grande partie des pays européens qui font plus partie de ce traité, entre autres parce qu'il y a une décision de justice qui a été enclenchée, même si elle n'a pas forcément abouti. Donc voilà, le droit peut être un super outil aussi. Et un bon levier d'action, justement. Comment tu as abordé cet ouvrage, justement, pour le présenter quand même, parce qu'il s'intitule « Pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective », donc ça renvoie déjà à beaucoup de choses, dont celle que tu as évoquée à l'instant, soulèvement écologique, certes, soulèvement de la Terre, enfin voilà, il y a... Comment tu as finalement aussi abordé aussi et appréhendé ce livre et son contenu, ce que tu voulais en partager ? Alors malheureusement c'était pas un clin d'œil au soulèvement parce que ça n'existait pas encore à l'époque où j'écris ce titre, mais quand j'étais en train de faire ma conclusion, ça venait d'être créé donc j'ai pu dire quelques mots quand même en conclusion, non, c'était par rapport à la Boétie qui disait « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux », donc c'était l'idée de se soulever, de se lever pour reprendre une forme de puissance, et c'est un livre que j'ai voulu être l'idée de prendre du temps pour en gagner. Donc je me suis dit, je veux que ce soit un outil pour les gens qui soient au courant ou pas encore au courant, peu importe, mais qui ont besoin d'avoir cette sensation que moi, certains penseurs ou penseuses créent chez moi, qui est de dire, ah oui, voilà, je sens ça, mais je savais pas vraiment comment le dire, j'avais pas trouvé les mots dessus, et c'est exactement ce que je veux dire. Maintenant je sais que quand je vais pouvoir aller en parler à quelqu'un d'autre, bah, c'était ça mon idée, c'est vraiment comme ça, mettre des mots en fait sur des mots MOX quoi. Donc ce sentiment d'impuissance, il est hyper présent, et je vois partout autour de moi des gens qui ont juste l'impression que la chose publique nous échappe, et que les décisions, encore une fois, sont prises sur nous alors que on en est les premières victimes. Donc là, je voulais montrer comment cette impuissance, elle était aussi orchestrée, comment elle arrangeait beaucoup, et comment est-ce que donc il fallait qu'on la refuse. Et refuser cette impuissance, c'est-à-dire refuser un cynisme quelque part, refuser l'idée de dire bah voilà, de toute manière, voilà, on va faire quoi là, parce que décide n'importe quoi. Donc de dire non, on doit peser sur. Alors c'est pas évident, hein, on doit peser sur ce qui se passe, et il y a plein de moyens de le faire. Est-ce que va participer à ce prochain grand rendez-vous qui est ce sommet international, on approche de la COP28 qui va démarrer là dans quelques jours, hein. C'est fin novembre, hein, du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que tu, là aussi, comment tu apprécies un petit peu ce nouveau rendez-vous après 27 passés? Non, j'y vais pas parce que je prends très très peu l'avion, et je le prends vraiment que quand je sais que si je suis là ça va faire une différence. Là, autant vous dire que je pense que ça ne changera strictement rien, que je sois là-bas ou pas. Donc, si ça peut m'éviter d'aller à Dubaï par ailleurs, c'est super. Donc, non, vraiment, je pense que c'est pas là que ça se joue, malheureusement. Après, c'est très important. C'est toujours important, ces endroits. Donc, il faut qu'on en parle parce que c'est le premier bilan mondial après l'accord de Paris. Donc, c'est le premier moment où, en fait, ils vont dire « Ok, est-ce qu'on est dans la trajectoire qu'on s'était donnée ?» Spoiler alert, ça risque d'être un non. Mais donc après, ils sont censés se réengager sur concrètement quelles sont les autres trajectoires. Donc on sait d'avance qu'on sera déçus, mais on y va quand même, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, oui, il y a beaucoup de chances que ça se passe mal, mais pour autant, il faut quand même qu'on mette autour de la table justement ces pétromonarchies, celles qui produisent le plus. Donc c'est important que ces pays-là soient là. Je pense que pour moi, ce qui me choque, c'est pas du tout que ça ait lieu à Dubaï. Je pense que c'est pas ça le problème, mais plutôt que les lobbies de l'industrie du pétrole soient si présents. Ça, c'est grave. Ça devrait être complètement banni de ces salles de négociation. On a le président de la COP qui est un président d'une compagnie pétrolière. C'est quand même aucun sens. Et la délégation la plus représentée de tous les pays qui viennent avec leurs négociateurs, leurs scientifiques, tout ça, bah, c'est la délégation de l'industrie fossile. Donc c'est complètement lunaire, mais pourtant que c'est ce qui se passe. Donc voilà, je l'appréhende sans trop d'espoir et en même temps avec exigence, parce qu'il faut quand même que dans ces endroits-là, on aille gratter ce qu'il y a à gratter, quoi. Et des fois, il y a des choses qui se passent. Il y a un contre-sommet, je crois, qui se met en place. Oui. Je ne sais pas si tu as eu l'écho. Je sais qu'il y en a à Bordeaux, mais je vais essayer d'y aller. Un contre-sommet scientifique, a priori, pour le climat, par le collectif scientifique et Rébellion, exactement, qui rejette cette COP28, précisément. Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective, c'est paru aux éditions du Seuil. On va, je crois, terminer cet entretien ici parce que tu dois rejoindre l'espace conférence pour développer davantage précisément le contenu et les axes forts précisément de cette démarche et de cet ouvrage. Merci Camille. Merci à vous. Et bonne continuation. Et bonne radio. Merci. Regardez-la danser. Elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. De danser tomber, ce n'est rien. Puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. L'écologie est aussi un sport de combat, un titre d'Arthur H qui pourrait presque convenir à Camille Etienne, donc, que nous avons rencontré ce week-end sur le rendez-vous de la transition écologique. T'as tout juste pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. Ouvrage, son premier, paru aux éditions du Seuil. Et nous évoquions donc l'ouverture de cette COP28, aujourd'hui même, ce 30 novembre, qui se tiendra à Dubaï, première ville des Émirats Arabes Unis. Troisième fois que les négociations annuelles se tiendront au Moyen-Orient, après le Qatar en 2012, l'Égypte fin 2022, la troisième dans un État membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, après le même Qatar, ancien membre de l'OPEP, et l'Indonésie en 2007 d'ailleurs, donc présidée par le sultan Ahmed Al-Jaber, ministre de l'Industrie émirati et PDG de la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company, ce qui est, vous l'imaginez bien, très mal perçu et indigne le réseau mondial de plus de 1900 ONG environnementales. Et puis conflit d'intérêts, hein, on le disait, pour exemple, alors là j'ai repris aussi le Wikipédia consacré à cette conférence de Dubaï 2023, le cabinet McKinsey & Company, qui est le conseiller des plus grands groupes pétroliers mondiaux comme l'américain ExxonMobil ou le saoudien Aramco, et à l'occasion de cette COP28, il a fourni gracieusement les organisateurs émiratis de la conférence en étude. Les documents prospectifs qu'il a fournis aux organisateurs émiratis sont en contradiction avec les objectifs de réduction des énergies fossiles affichés publiquement par le cabinet pour la COP28. Le plan de transition fourni aux organisateurs émiratis donne l'impression, je cite toujours, d'avoir été écrit par l'industrie pétrolière pour l'industrie pétrolière. Et oui, c'est que cette COP28 fait en effet largement débat. Et je parcourais encore ce matin un article de la Dépêche qui reprenait quelques éléments polémiques, en effet. Dubaï qui n'est pas vraiment le modèle en sobriété énergétique, piste de ski en plein désert, île artificielle destructrice pour la biodiversité marine, golf irrigué, climatisation à outrance. C'est le pays à l'une des empreintes carbone la plus élevée du monde selon un rapport du WWF. Ce président empêtré dans des affaires de conflits d'intérêts comme nous l'évoquions à l'instant. Bref, bon nombre de révélations que l'on peut aussi reprendre au travers d'un autre ouvrage, puisque nous avons reçu cette information-là en début de semaine. Un autre ouvrage, en effet, qui est défendu en ce moment, d'ailleurs, du côté de la capitale. C'est Fabrice Nicolino qui fait le tour des librairies et donne bon nombre d'interviews et conférences autour de son dernier livre qui est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, Le Grand Sabotage Climatique, révélation sur un système corrompu, ONU, multinational, gouvernement. Voilà, ce livre raconte pour la première fois les raisons de ce qu'il faut appeler un sabotage. Effectivement, par les multinationales, mais aussi par l'ONU, dont les responsables du dossier ont partie liée avec les industries les plus destructrices du climat. Il retrace comme ça toute une analyse et observation de ce sabotage. Finalement, Fabrice Nicolino, on le rappelle, journaliste fameux, notamment l'auteur avec François Vaillerette d'un best-seller dont on avait parlé il y a des années de cela, Pesticides, révélations sur un scandale français. Bienvenue aussi, alors que l'Europe vient même de relancer pour 10 années la circulation du glyphosate, par exemple. Il avait aussi été l'auteur de Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Voilà, donc je me permettais juste, tout à fait en lien avec cette question, vous rappeler cet ouvrage actuellement donc disponible. On va enchaîner ce programme des mots, des sons sensibles avec notre combat écologique, celui mené en Afrique par l'artiste Tikenja Fakoli. Alors que vient de se dérouler la 18e édition de Tatou Juste, rendez-vous de la transition écologique, ce sera en 2024 la 18e édition du Forestival. Et oui, le festival à Trelin qui a annoncé ses dates, ça se passera les 2, 3, 4 août 2024 l'année prochaine. Et nous avons rencontré Tiken Jah Fakoly lors de cette édition 2023. C'était cet été, en effet, sur le Forestival, rencontre avec l'artiste. Alors que le Forestival, certes, vient d'annoncer ses prochaines dates de cette prochaine 18e édition, transition toute faite, eh bien, c'est un groupe qui vient d'être annoncé premier nom de cette deuxième 18e édition, puisque le Forestival a officialisé la venue des Ligériens de Dubink, qui seront présents le samedi 3 août 2024 à Trelin. Le groupe, en effet, aura l'occasion de s'y produire. Ils l'ont annoncé de manière informelle lors de leur concert au Zénith. C'était début novembre dernier, qui a été à nouveau complet avec plus de 7000 personnes présentes. À noter que précisément, puisque cela faisait aussi 10 ans que Dubink assure ses Zéniths à Saint-Étienne, à chaque fois complet, ce traditionnel Zénith stéphanois du groupe n'aura pas lieu en 2024. Il sera précisément remplacé par cette date en plein air à la maison. Et ça se passera au Forestival. Le Forestival qui, hier même, et je comptais annoncer la chose, lançait une billetterie hier assez exceptionnelle, avec 1000 passes disponibles à tarif modique, 1000 passes 3 jours, à 85 euros. Ceux-ci ont été écoulés hier en quelques minutes. Les passes 3 jours sont désormais disponibles au tarif classique. Il y aura prochainement les passes 2 jours et billets 1 jour en tarif préférentiel encore. Ce sera mi-décembre prochain, soyez à l'affût. En tout cas, l'occasion, en toute transition ou presque, vous allez l'entendre, de parler de Dubink certes, mais surtout donc d'aller à la rencontre de Tiken Jah Fakoly, rencontré cet été sur ce Forestival 2023. C'est d'ici un instant sur le 895 de Dio. Sans transition, on attaque direct. On est avec Tiken Jah. Salut Tiken. Salut. Enchanté et plaisir de te retrouver en terre forésienne, voire presque stéphanoise. T'es presque un habitué du territoire. Oui. En tout cas, on a été toujours bien accueillis ici. À Lyon, Saint-Étienne, toute la région, Grenoble, tout ça. Voilà. Et donc, très heureux ce soir aussi d'avoir été accueilli comme ça. Il y avait du monde, ils étaient chauds et ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Je viens de voir Bertrand, que tu connais depuis de longues années. Hein, tu étais venu jouer il y a très longtemps avec cet asso local. Damien. Voilà. J'ai croisé Zouz aussi, Aurélien, des Dubink. Ouais. Hein, c'est toi, la connexion avec Saint-Étienne, elle est là, elle est forte et elle est toujours présente. Oui, la connexion est là hein, depuis ce concert, un conseil, une école. On a construit une école ensemble avec Dubink. Voilà, on a gardé les liens, on a fait deux featuring. On a fait un featuring sur leur premier album, je crois. Et puis c'est vrai que c'est Damien à l'époque qui avait fait la connexion. Et donc c'est ensemble quoi. Et là, on vient de faire un autre featuring sur mon album. Et on a gardé les connexions. Et, en tout cas, ça fait plaisir de venir ici. Oui, j'en parlais avec Aurélien tout à l'heure. Effectivement, featuring sur ton dernier album qui est sorti l'année dernière, mais je crois qu'il y a un clip qui vient de paraître et que vous avez travaillé là-bas, clippé du côté d'Abidjan, si Aurélien m'a dit les bonnes infos de sources sûres ou presque. Oh, effectivement. Et voilà, ils m'ont fait l'honneur de venir à Abidjan pour tourner ce clip. Et voilà, c'était bien, on était contents, on a fait un beau clip et qui tourne bien. Et en tout cas, c'est... On est dans le même combat, c'est le reggae. Reggae français, reggae africain. Et même eux, ils sont même reggae africain parce que c'est l'Algérie et le Bénin aussi. Voilà, mais c'est vrai que c'est un groupe, il y a beaucoup de Français. Mais on est ensemble, quoi. Ouais. Yeah. Et oui, et alors moi, ce qui m'a questionné d'emblée, quand il m'a dit que vous avez enregistré ce clip à Abidjan, c'est de me dire, tiens, Tiken est de retour en Côte d'Ivoire. Ah oui, je suis de retour en Côte d'Ivoire depuis 2007. Depuis 2007, je vais en Côte d'Ivoire. Non, mais tu viens de façon ponctuelle ou parce que tu es toujours exilé au Mali? Ah non, je vais de façon ponctuelle. Voilà, je vais de façon ponctuelle. Je n'exclus même pas ne pas revenir un jour. Je pense que je suis très fréquent en Côte d'Ivoire. Non, je ne suis plus en exil depuis très longtemps. Ouais. Ah, ok. Ouais, depuis 2007, l'exil a pris fin. Ah, d'accord. Et avec Abidjan, a priori, là où tu reviens donc régulièrement, à la maison, tu as aussi de, d'autres projets qui se sont a priori développés. Aurélien me disait que tu avais investi dans une sorte d'immeuble ou un bâtiment qui occupait diverses activités, de la radio, plein de projets que tu mènes et conduis et suis là-bas. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, j'ai investi un peu dans une boîte de production et donc qui occupe un immeuble voilà, qui est à moi. Voilà. Dans l'immeuble, on a deux salles de répétition. Une radio FM et on a la seule bibliothèque reggae d'Afrique et puis on a voilà on a un studio d'enregistrement et c'est d'ailleurs dans ce studio d'enregistrement que j'ai enregistré les deux précédents albums voilà les deux précédents voilà le but c'est vraiment apporter la faire du business mais donner un peu la possibilité aux jeunes de travailler dans de bonnes conditions. De répéter. Quand je suis venu en France pour la première fois, j'ai vu les salles de répétition, j'étais épaté, tu vois. Et donc aujourd'hui, nos salles de répétition sont équipées, elles sont au niveau acoustique, tout est fait de la même manière, presque selon les moyens, hein, mais presque comme ici, quoi. Voilà. Oui. Tu permets à de jeunes talents aussi de pouvoir émerger, d'être accompagnés dans des conditions correctes, quoi. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire, parce que nous, on a tellement galéré. Je pense qu'on ne peut pas ne pas faire quelque chose parce que ça a été tellement dur pour nous. Donc, ça me fait plaisir de faire ça. Ouais. Tu le dis et tu le chantes encore. Hein, je dis encore parce que moi, ça faisait quelques années que je ne t'avais pas vu en concert avec toujours ce même propos. L'Afrique est riche et pourtant l'Afrique est pauvre. Toujours tiraillée entre ces deux mondes finalement aussi et ces difficultés et ces obstacles. Et qui finalement on peut évoluer depuis pourtant 20 ans que tu chantes ce changement, cette résistance, ces possibles là, ils arrivent difficilement et doucement, ça bouge peu. Mmh. Ouais, ça bouge peu parce que cette résistance, elle ne peut être concrétisée que par le peuple africain. Et le peuple africain, il y a une grande partie qui est encore traumatisée. Mais aujourd'hui, il y a une partie qui a commencé à se réveiller grâce aux réseaux sociaux qui sont venus renforcer notre combat. Donc, moi, je pense que ça va prendre du temps. Vous savez, je ne désespère pas parce que quand je me réfère beaucoup à l'histoire, voilà, quand je vois l'histoire de la France, je vois qu'elle vient de très, très loin. Le coup d'État, le président qui a démissionné, le peuple qui est descendu dans les rues. L'histoire, elle a été écrite. Et donc, nous... C'est 400 ans d'esclavage. Nous, c'est plusieurs années de colonisation. Et donc, il y a un traumatisme qui est encore là et qui est exploité par ceux qui nous ont colonisés. Et donc, voilà, on se réveille doucement. Mais je pense que personne ne peut concrétiser cette résistance à la place des Africains. Parce que chacun... lutte pour donner à manger à ses enfants, maintenant nous de protéger les nôtres. Voilà, et donc ça c'est mon message. L'histoire est écrite, tu dis, et l'histoire est à écrire ou réécrire, l'histoire postcoloniale notamment. Ouais. Et ça c'est pas chose évidente, et on le voit encore de par les enjeux hui bouleversent le continent. Non, on dit que c'est pas évident, c'est possible. C'est à nous de concrétiser tout ça. Parce que l'Afrique est riche, les Africains sont pauvres, c'est pas normal. Et... on ne peut pas parler aujourd'hui de la chaîne mondiale sans parler de l'Afrique. Les matières premières, une grande partie des matières premières viennent de l'Afrique. Voilà. Et donc, ce continent-là doit compter. Et pourquoi ce continent ne compte pas ? Parce que nous sommes divisés. Pourquoi ce continent ne compte pas ? Parce qu'on ne nous écoute pas. Pourquoi ce continent ne compte pas ? Parce que jusqu'à présent, on ne nous respecte pas au juste niveau. Mais ce respect, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le mettre à notre place. C'est nous qui devons dire « Ok, c'est bon. » Voilà, maintenant, nous sommes numéro un. Parce que vous connaissez qui en Occident qui n'aime pas le chocolat ? Le chocolat, voilà, tout le monde, tu vois. La preuve, les dentistes sont très occupés. Hein. Mais moi, ça, voilà. Et donc, la Côte d'Ivoire est numéro un au niveau de la production mondiale du chocolat, du cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, est numéro 2 avec 20%, la Côte d'Ivoire 40%, le Nigeria 15%. Alors, si vous ajoutez les petites productions des autres pays forestiers, l'Afrique nourrit le monde entier en chocolat. Qui n'aime pas le chocolat ? Alors, il y a un grand nombre de pourcentages de Français ou d'Américains ou d'Azerbaïdjanais qui se lèvent le matin, qui boivent du café. Et ouais, ça donne du tonus à leur journée. Et donc, la Côte d'Ivoire est numéro 2 ou numéro 3. Donc, si on fait le tour de l'uranium, le manganèse, etc., etc., alors, c'est pas normal que nous, on ne soit pas devant. Mais personne ne doit venir réclamer cette position-là à notre place. C'est pourquoi nous travaillons à réveiller le peuple et à informer le reste du monde aussi. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse est là, les richesses abondent, l'avenir nous attend. Le soleil appelle le tourisme, pas de postulat, la bonne humeur vagabonde. Combattant, exploitant, il n'y a pas d'opportunisme. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. L'Afrique a besoin de personne, juste envie de vivre de grandeur et d'estime. Les mêmes mots qui résonnent. Comment réussir? Un cartable sur une épaule, marcher pour s'enrichir, le pouvoir de s'instruire, déterminer, mais ça, pouvoir réagir. Hey, Abina, y allons, c'était nous le chaleuron. Abina, y allons, oh. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Yeah, yeah, oh yeah. Car l'Afrique est l'avenir du monde et son passé. Ce qu'elle tient dans ses bras ne peut se remplacer. Traité comme une paria mais tellement convoité. Hey, car Mama Africa est riche de ses enfants. We not give up. Sa jeunesse va de l'avant, cesse d'écouter les plus offrants. Never give up, tes anciens maîtres ont fait leur temps. Non, l'Afrique n'est pas pauvre si elle souffre en silence. C'est qu'elle a porté tant de fardeaux. Pourquoi dire qu'elle est pauvre si ce n'est pas suffisance? Comme ceux qui veulent voler ses joyaux. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Ici au Congo, j'ai le coltan. En Algérie, on a le pétrole. Au Bénin, nous on a le coton. Nous les Ivoiriens, on a le cacao. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Et Tikenja, justement, ce qui se passe en ce moment au Niger, le coup d'État, les conflits en Afrique, ça, justement, ça ne va pas dans ce sens-là. L'Afrique n'arrive pas pour l'instant à regagner sa souveraineté et ses richesses. Et au Niger, c'est aussi le combat de l'uranium derrière, bien sûr. Bien sûr, il y a le combat de l'uranium derrière. Vous savez que il y a un contrat qui a été signé dans les années 60 et pendant 76 ans, la France peut exploiter l'uranium à sa guise en donnant 15% au Niger. Vous voyez ? Et c'est vrai que l'uranium est une matière première protégée et qu'on ne doit pas la laisser, on ne doit pas laisser cette matière première dans les mains de tout le monde. Mais l'uranium appartient aux Nigériens. L'uranium appartient aux Nigériens et je pense que c'est à eux de c'est en les respectant, en leur faisant comprendre la dangerosité de cette matière première, en les respectant, que les choses peuvent aller mieux. Les coups d'État aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, je ne dirais pas que ce sont des coups d'État salutaires, parce que les coups d'État ne sont jamais les bienvenus. Mais s'il y a eu des coups d'État, c'est parce qu'il y a eu des échecs de la démocratie. Et quand tu regardes dans l'histoire de la France, même s'il n'y a pas eu de coups d'État populaires à des moments, mais il y a eu des coups d'État à l'Assemblée nationale, parce que ça ne va pas. Et donc, voilà les pays qui sont en guerre. Ils sont en guerre, l'Occident est venu pour les aider depuis 2013 jusqu'à 2021 ou 2022. Ou 2023 même. Il n'y a pas eu de solution. Et donc, ils ont demandé des armes, ils ont demandé des aides, on a parlé de G7 Sahel, etc. Les gens, ils n'ont rien donné. Et donc, le peuple a décidé que nous-mêmes, on écrive l'histoire de cette guerre. C'est-à-dire que qu'on la gagne nous-mêmes. Comme ça, on pourra se taper la poitrine devant nos enfants pour dire qu'on l'a gagné. Les gens parlent de la Russie. Mais, monsieur, quand vous avez un incendie chez vous, est-ce que vous choisissez entre l'eau de mer et l'eau de rivière? Vous choisissez l'eau qui peut vous aider à éteindre l'incendie. Et donc, c'est ça, tout le monde connaît. La démocratie n'est pas compatible avec la Russie, on le sait. Mais aujourd'hui, nous voulons simplement nous donner la possibilité de travailler avec ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nous dire « Non, non, non, il ne faut pas aller chez les Russes. Non, non, non, il ne faut pas aller chez les Chinois. » Donc la génération d'aujourd'hui a décidé que voilà, si les Russes veulent apporter quelque chose, c'est bien. Parce que les choses sont claires. Ce qu'on ne dit pas, dont on n'en parle pas, c'est que l'Ukraine n'a pas aidé la France pendant les différentes guerres. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est prioritaire au Mali. L'Ukraine est prioritaire au Burkina Faso. L'Ukraine est prioritaire au Niger. Au terrorisme qui sévit dans le Sahel. Pourtant, le Sahel est très important pour la France. Parce que Gao, le Mali, se trouve à 3 heures de l'Elysée. Voyez. Mais, même aujourd'hui, les Ukrainiens sont mieux accueillis en Occident que les Africains. Voyez un peu. Donc, arrivé un moment, nous, on s'est dit, bon, ok, c'est cool. Mais est-ce qu'on essayait de nous battre nous-mêmes? Alors, vous voulez nous aider? Les Chinois veulent, ils viennent. Les Russes veulent, ils viennent. Tous ceux qui veulent, ils viennent. Comme j'ai dit, il n'y a pas question de dire ça c'est l'eau de puits, l'eau de... Non, nous on veut de l'eau. Pour toi, c'est une bonne chose, ce qui est en train de se passer, c'est dans le sens d'une histoire africaine. Et c'est ce que je comprends dans ce que tu dis. Ah, oui, oui. Et l'intervention possible de l'Union africaine, la CDAO, là, qui est en train d'être discutée en ce moment. Non, il n'aura pas de... Il n'aura pas de... Non, non, non, ils veulent faire peur. Aujourd'hui, ces régimes sont protégés par le peuple. Et c'est le peuple qui a le pouvoir, comme je le disais tout à l'heure sur scène. Alors, nous, on a pesé. On sait que le peuple est soutien. Le soutien que Thomas Sankara n'a pas eu, c'est ce soutien-là que ces dirigeants ont. Le soutien que Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, tous ceux qui ont dit non, ils n'ont pas eu ce soutien et c'est ce soutien-là que ceux-là ont aujourd'hui. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est en bouleversement. Il est possible de dire non aujourd'hui parce que dans mon pays, quand mon pays disait non il y a quelques années, il y avait un coup d'État tout de suite après. Vous voyez un peu. Et là, c'est peut-être en train de changer. Ce qu'on peut dire, c'est que le peuple est mieux réveillé que nos parents aujourd'hui. Maintenant, le coup d'État n'est jamais venu, il ne faut jamais faire confiance aux militaires. Mais ce que je sais, c'est que des pays en guerre ont besoin de militaires à leur tête. Quand la France était en guerre, le général de Gaulle était là. Parce que c'était un militaire, parce que c'est les militaires qui sont au front et les militaires n'écoutent que les militaires. Voyez un peu. Et donc nous sommes dans cette situation qui va être diabolisée évidemment parce que les gens vont dire non, la démocratie, mais on n'impose pas la démocratie. C'est quand le peuple veut qu'il le fait, qu'il le prend. On ne peut pas me dire allez, démocratie, démocratie. Non. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Non, si le peuple dit aujourd'hui, nous on veut mener cette guerre autrement, il faut respecter ça. Donc je peux vous rassurer, il n'y aura pas d'intervention. Parce qu'on n'enverra pas des enfants d'Africains, des enfants africains tuer des enfants africains aujourd'hui, en 2023. Si ça se passe au Niger, ça sera la Somalie bis. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des États-Unis en Somalie, où la population est sortie et l'armée américaine a fait une défaite. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Moi, je pense qu'il faut laisser ce peuple écrire son histoire. Et les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui connaissent leur peuple. Si demain, ils commencent à déconner, le peuple va les renvoyer. Voilà. Un autre de tes combats, outre le peuple africain et sa souveraineté, c'est aussi celui de l'écologie. Le monde est chaud, le monde a chaud. Tu le chantais encore ce soir et vraiment, c'était une belle prestation. Bravo. Et cette question de l'écologie, est-ce que tu es aussi optimiste que tu l'es pour le peuple africain? On voit que c'est compliqué en ce moment, la question écologique. On a fait le lien, on a parlé d'uranium au Niger, la question de l'eau. Bon, je crois que l'écologie en ce moment, c'est un thème brûlant, sans mauvais jeu de mots. Je ne suis pas optimiste du tout. Je ne suis pas optimiste du tout parce que il y a un gros travail à faire. Il y a des grandes décisions à prendre par les dirigeants. Et le peuple n'arrive pas à les faire bouger. Et donc, pourtant, nous sommes en danger. Pourtant, tout le monde sait. Comme je disais tout à l'heure, la planète ne pouvant pas s'exprimer, elle donne des coups. Et elle espère que nous allons détecter son message. C'est tout, parce qu'elle ne peut pas parler. Souvent, on est surpris par des feux de brousse. On ne sait pas. Je pense qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on devrait pouvoir trouver ceux qui mettent ces feux de brousse. Parce qu'il y a une période où ça se passe, il y a des régions précises où ça se passe, en Californie ou dans certaines régions de la France. Donc, mais pourquoi on n'arrive pas à maîtriser? Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Vous voyez un peu, il y a des mégots de cigarettes, il y a des accidents évidemment. Voilà un peu. Et donc je ne suis pas optimiste, je pense qu'il y a une mobilisation à faire, il y a beaucoup d'informations à faire. Donc... C'est pourquoi je chante sur scène, c'est pourquoi j'essaie d'interpeller sur scène. On va être un des pays les plus touchés par le changement climatique, d'après les scientifiques. Les Africains sont préoccupés à trouver à manger. Donc du coup, il ne faut pas leur parler de... Il ne faut pas mettre les trucs dans les sachets, il ne faut pas faire ceci. Et donc, il y a un gros travail à faire, donc je ne suis pas optimiste. Ouais, merci beaucoup. C'est cool. Merci. Algeria, France, and Africa rise. Un trio, un espoir. Voici, il n'y a qu'une seule direction. Non, non, pour des peuples qui subissent l'oppression. Non, non, sans les voir supérieurs. Wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Voir un jour les peuples se lier. De vivre comme on l'aurait souhaité. À but de pouvoir et croire que l'on pourrait ne vivre que sur l'espoir. Espoir, relever la tête, il n'est jamais trop tard. Trop tard, tcha! So many people die and die again. Ouais, victimes de ce même système. And politics lie and lie again. Ouais, puis ils resserrent les chaînes. So different tell them. Aïe, nan, jamais, enseigne-la. Et même si je suis fatigué et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé, éducation et savoir oublié. Faible blanc ou noir dans l'unité, toujours le prince est face à l'opprimé. Dans ce monde où les forts deviennent toujours plus forts, où quand tu n'es pas d'accord, on t'es-tu. Il faut que ça change, mais l'avenir est incertain, frère. Patriot en espoir, voici il n'y a qu'une seule direction, non, non. Entretien auprès de Tikenja Fakoli et la boucle est bouclée finalement entre Beau Continent, ce dernier titre. Collaboration entre Tikenja, issu de son dernier album, avec les deux Bink présents, un clip tourné en Côte d'Ivoire, vous l'avez entendu, des projets en commun, une école montée là-bas, les projets de Tiken et également studio, radio, et puis ses combats écologiques également menés en Afrique. Et puis on boucle la boucle, je le disais, avec cette toute première collaboration entre Tikenja Fakoli et The Bink avec ce titre Life, issu de leur tout premier album, c'était en 2003. Et oui, anniversaire aussi. Il y a 20 ans, l'album Diversité, bien entendu. Mais il faut réagir et ne jamais oublier. Hey, birds, no run up to the air, c'est le work that I'm doing. Et puis évoquer bien sûr la situation aussi nationale, internationale, et nous parlions du Niger. Et bien cela fait 3 mois aujourd'hui, en ce jeudi, que les militaires ont renversé le président Bazoum et pris le pouvoir. Le 28 juillet dernier, donc début août, nous étions à la rencontre de Tikenja Fakoli. Le général Tiani accédait à la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Puis très vite, voilà, grande partie de la communauté internationale s'est élevée contre ce coup de force. Elle ne cesse de réclamer le retour à l'ordre constitutionnel, ce que refusent toujours les militaires. Résultat, le pays est depuis août dernier sous sanction de la CEDEAO, tandis que l'Europe et les États-Unis ont coupé leur aide et le Niger s'enfonce dans la crise. Voilà, on en parle un peu moins peut-être aujourd'hui. Mais la situation critique se poursuit. En tout cas, pour revenir à l'actualité culturelle, celle-ci, Tikenja, rencontré sur ce Forestival 2023, prétexte à annoncer avec cette rencontre et ses collaborations avec le groupe stéphanois de Bink, évoquer cette édition 18e 2024, annoncée les 2, 3 et 4 prochains. Et le premier nom vient tout juste de tomber. C'est de Bink qui sera au festival, au Forestival, le samedi 3 août 2024. Ce sera la seule date, me semble-t-il, ici dans le département de la Loire. Et ce sera en remplacement du traditionnel Zénith. Il n'y aura pas de 11e Zénith en 2024 pour The Bink, remplacé par cette date en plein air à la maison Atrelin sur le Forestival. Le Forestival qui a lancé hier ses premiers passes à tarif préférentiel, mais qui est parti en quelques heures, un pass 3 jours. Ils passeront au tarif normal à 100€ et ce sera 120€ sur place pour le pass 3 jours. Mais il y aura d'autres opérations menées, pass 2 jours, billet 1 jour à prix encore préférentiel. Ce sera mi-décembre prochain. En tout cas, voilà, à noter, Forestival 2024, les 2, 3 et 4 août prochains. On en a des plans, on en a des plans, un trio à deux fois. Et on approche de la toute fin de ce programme des mots, des sons sensibles, qui va se terminer avec, allez, 2-3 annonces culturelles et concerts attendus cette fin de semaine. On va annoncer notamment ce qui se passe du côté de la salle Le Fil. On en a parlé en début de ce programme avec le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme. En concert, ciné-concert, rencontre, c'est ce jeudi 30 novembre ce soir, ouverture des portes à partir de 19h. Vous annoncez encore cette soirée plutôt tardive électro Ascendant Vierge, Krampf, Lays, Becksoul. Ce sera pour ce samedi 2 décembre à partir de 23h. C'est une tardive, je le disais, fermeture à partir de 5h. Et puis, à noter, ce vendredi 1er décembre, c'est la Synthé Rock. La Synthé Rock, c'est l'occasion pour la SMAC Saint-Etienne de bien mettre un peu coup de projecteur sur aussi l'effervescence scène musicale locale avec cette soirée à dominante plutôt rock. Il y en aura d'autres sous une influence plutôt dub, par exemple, la synthé dub et d'autres encore. Alors pour ce 1er décembre, 3 groupes à l'affiche. Il y aura Code Altesse, à la croisée du néo-metal et rock alternatif, un quatuor à la bonne énergie, semble-t-il. Falling Waves également, veine aussi très, très rock, mais qui, comme ça, se fraye aussi un, on va dire, un chemin musical entre le progressif de Mogwai, les Deftones et d'autres. Et puis, toute nouvelle formation. C'est Salut l'Orage. Salut l'Orage, un groupe qui, lui, comment dire, se sent inspiré autant par la scène rock actuelle, au hip-hop français également. Et ouais, et donne ça donne cette nouvelle formation qui aussi est composée d'ex-collimateurs, pour exemple. Salut l'Orage, Falling Waves et Code Altes, c'est ce 1er décembre à 20h30. On le précise, ça se passe au club du Phil Saint-Etienne et c'est une soirée gratuite. Et puis nous terminons enfin avec cette dernière annonce, ce concert, ce vendredi 1er décembre encore. Ça se passera du côté de l'espace autogéré La Gueule Noire, quartier Bellevue, rue du Mont, avec une soirée organisée par la Boom du Printemps, collectif il y a plus de saison. Tout nouveau collectif qui organise son deuxième concert demain, ce 1er décembre, avec la venue des Barcelonais de Damaréa, le Stéphanois d'Ultimate Tourist, originaire de Metz, Aval, et puis ça se terminera en mix avec Caniche Perfide encore, une soirée concert en soutien à l'association Un Toit Pas Sans Toit et à une de ses familles expulsées notamment. Je vous rappelle, pour aussi préannoncer ce rendez-vous de ce 1er décembre, un rendez-vous diophonique des sons sensibles ce soir en direct à nouveau ce jeudi 30 novembre de 19h à 20h. On aura l'occasion d'accueillir le collectif Il n'y a plus de saison, Boom de Printemps, également Ultimate Tourist et les Barcelonais d'Amaria qui sont sur la route actuellement mais qui vont arriver à Saint-Etienne et vont nous rejoindre en studio ce soir entre 19 et 20h. Donc interview, rencontre ce soir, ne manquez pas le rendez-vous. On va donc terminer précisément avec, puisqu'elles ne seront pas présentes ce soir, profitons-en pour jouer Aval précisément. C'est du post-punk, basse batterie, duo féminin. On va s'en écouter un petit extrait en guise de générique de fin. Ce sera l'occasion de se quitter ainsi avec La Part du Diable, titre que je vous propose d'écouter. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. On se retrouve ce soir, même lieu, même heure. Sinon, semaine prochaine, bien sûr, dès lundi, même lieu, même heure, toujours. Portez-vous bien. Ah, il va falloir que je lance la bonne piste. C'est parti. Ciao, bye. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.